Dans cette situation, l'intersection fait une patte d'oie. Les usagers qui arrivent au stop et qui veulent tourner sur leur gauche ont tendance à rester dans l'alignement de la route sur laquelle ils circulaient. Dans le cas numéro 2, le conducteur de la voiture rouge peut, en se contorsionnant, réussir à entrevoir la voiture qui roule sur l'axe prioritaire. En revanche, dans le cas numéro 1, le véhicule utilitaire dont les vitres arrière sont tôlées n'offre pas à son conducteur un champ de vision très large. Et s'il est prudent, il va devoir défaire momentanément sa ceinture de sécurité pour s'avancer sur le siège passager avant. Incontestablement, c'est la situation la plus dangereuse. Je mets le pied devant le frein dans les deux cas. Réponse